J'aurais voulu être comme tous ceux que je vois qui n'ont pas eu à embrasser le fond. Un jeu de foi dans un feu de joie, pouvoir espérer que mon bras s'y effondre. Confondre réalité et rêve, toucher la lune du bout des doigts. Ne pas faire partie de ceux qui sont dégoûtés de soi. J'aurais voulu ouvrir les bras, un peu plus sourire, mourir mes braves. Avoir quelqu'un pour couvrir mes pas. Ne pas voir tous ces bâtards qui gèrent la dette. Oublier que je cavale, réussir à croire que le taf libère la tête. J'aurais voulu comprendre ce que ça me dérange pas d'être dans une file qui ne doute pas des yeux d'une fille. Être à leur place le temps d'une vie. Croire que le malheur est stupide pour entrevoir plus de lumière. Penser que l'amour dirige, le concevoir plus que de m'y perdre. Faire ce que j'ai à faire plutôt que ressasser ce que j'aurais dû. Ne pas parler d'enfer, voir les vagues plus que leur écume. Avoir une vie que l'on régule, aller de l'avant quand on recule. Savoir sourire quand ça sent pire, ne pas me sentir reclus. J'aurais voulu que ces mots s'écrivent seuls plutôt que mal accompagnés. Car mes démons condamnés m'attendent sur le seuil. Que cette goutte salée sur l'œil ne soit qu'une larme de joie. Des soirs j'essaye de faire le deuil, de faire de larmes et faire des choix. Me déçoit, apprendre à regarder la terre sous un autre angle. Apprendre à me rendre, respirer l'air. Mais leur atmosphère m'étrangle. Ne rien trouver étrange, œuvrer pour une vie sainte. Me purifier dans le Gange, savoir ce qu'est une vie simple. J'aurais voulu posséder en légèreté leur cœur de plume. Considérer la liberté autrement qu'une rancœur de plus. M'envoler comme la colombe quand ses ailes se déploient. Les nacelles me déçoivent, avouer que moi-même je la serre mais des bois. J'aurais voulu écrire plus facilement, me persuader qu'on évolue. Avoir un tas de putes fascinants, oublier gentiment que j'ai peur de me perdre. Ne pas penser oui quand on me dit non. Trouver les sentiments dans le cœur de pierre. Trouver les lettres, mettre bout à bout les sanglots. Indigné, je vis sans maître, mais tabou est mon enclos. J'aimerais partir à la nage, quitter ma barque sans si peu de manque. On m'a piqué ma part, la vie me narque sensiblement. J'aurais pu faire un empire, tout larguer fier des trois. Je vire les trois et sans mentir, je vois qu'un trou noir derrière l'étoile. Pas d'arc-en-ciel quand les couleurs deviennent des ombres. Mon arme enseigne car mes douleurs deviennent des sons. J'ai appris de mes frissons, j'en ai bâti un projet de vie. Créé une plage pour ma prison. Mon rap grisson me transforme mes pages en projectiles. Je parle de mes faiblesses en vain. Car cette vie en abuse. Tu fais le dur mais celui qui en parle le moins, c'est celui qui en a le plus. J'aurais voulu qu'ils sachent à quel point ma tête se fissure. Que j'ai épargné des lâches, côtoyé des impasses sans issue. Que mon cerveau a trouvé les mots que mon cœur n'avait pas. Que j'ai écrit des souvenirs bons, car jamais les mauvais ne partent. J'aurais voulu que la vie nous rende le dû d'un talent mérité. Faire autre chose qu'un rap tordu, violent, chialant de vérité. Donner vie à mes graphes, car pour moi la peinture danse, c'est sûr. Ne pas voir que les rappeurs taffent à temps c'est su. Je voudrais que ma rime reste ancrée. Car de ce temps c'est rare, c'est encore jeune Zera. Mais comme Anton Zera, je reste entier. Étudier l'histoire, cultiver ma culture. Bâtir mes structures, transformer nos rêves illusoires en sculptures. Moi, je voudrais partir comme je suis arrivé. Ne pas me souvenir de tout. Les soupirs me troublent, terrifié quand les sourires me touchent. Réussir ma vie dans ce que je pratique bien. Arrêter de finir mes albums par des trois petits points. Dis-leur qu'on se fout de leur code. Vos jalousies décorant, j'ai la vie. Qu'on inverse la norme, jeune et beau, qu'on va manger la vie. Qu'on n'a pas le temps pour toute leur prise de tête. Et que si leur fils me traite, je laisserai couler comme de la piste de traître. Dis-leur qu'on est plus grand que leurs insultats de balles. Que si de temps en temps on dit rien, non, c'est pas qu'on capte pas, mais qu'on préfère le silence, nous. Cultiver la richesse de l'âme. Et si souffrance s'ensuit, on se défoulera dans la tristesse de l'art. Dis-leur qu'on travaille tous les jours pour devenir des jambons. Qu'on gagne et qu'on échoue, que son est rare, donc nous chantons. Dis-leur qu'on se fout des hommes chelous, flous et plein d'intentions. Qu'on se moque des sous, que nous le résultat se résout à l'intention. Qu'on travaille la sagesse, que nos cœurs sont nos guides. qu'on côtoie la détresse, car nos pères sont nos vides, que nos corps sont petits, mais nos âmes géantes comme les étoiles, qu'on gâchera pas nos vies, attendre que la mort nous nettoie. Dis-leur qu'on n'est pas content surtout, qu'on connaît l'ombre noire, qu'on montre pas mais qu'on prend sur nous, qu'on a mal quand on perd un frère. La peau sur les os, faut pas déteindre sur les autres nos guerres internes. Non, non. Dis-leur qu'on s'en branle de leur connerie. Préviens-les. Dis-leur qu'on rentre pas dans leurs critères, dans leurs enveloppes, qu'on se fout de leur masse majoritaire. En gros qu'on a la liberté comme critère, qu'on ressemble pas à leurs clichés tout claqué des pubs, qu'on a autre chose à faire que teaser de maths et des putes. Dis-leur qu'on fait partie des plus honnêtes du nombre, qu'il suffit de talent, d'instinct et d'amour pour être les maîtres du monde, qu'on sait prendre soin et chérir ce qu'on aime. J'ai qu'un grand sourire pour ceux qui passent leur temps à pourrir ce qu'on est. Dis-leur qu'on revient loin, que nous fleurissons la merde, que nul n'est plus immense pour nous que l'horizon de la mer, que le feu, le vent et l'air. Qu'on sait ce qu'on fait en restant vrai, qu'on parle franchement en ouvrant les lèvres. Antes eram bem estilosos, hoje estão a definhar. Consentiram os manhosos e não podem controlar.